déjà de bonnes raisons et déjà sans illusion. On sait l'an de bain, on sait l'an de bain. Un enfant pas très grand, un étant les deux mains, qui étant les deux mains, dans les deux mains, les deux mains.